Lettre 16e. Préparatifs pour la fête du roi, arrivée des troupes, les Champs-Élysées, concert dans le jardin des Tuileries, silence du peuple, feu d'artifice. Depuis plusieurs jours, nous observions les préparatifs pour la fête du roi, quoiqu'ils n'égalent pas tout à fait ce que l'on voyait du temps de l'empereur, quand le vin coulait de toutes les fontaines de Paris. Ces préparatifs étaient grands et magnifiques, et pour être plus modeste, n'en était pas moins digne d'un souverain. Il consistait principalement en théâtre, salle de bal et orchestre construits dans les Champs-Élysées, en feu d'artifice magnifique sur le pont Louis XVI, en un grand concert devant le château des Tuileries, et en illumination disposée dans les promenades publiques et surtout dans le jardin des Tuileries. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut l'augmentation considérable dans le nombre des troupes. Les gardes nationaux et les soldats de la ligne se partageaient les rues. Cependant, une grande revue devant faire partie des spectacles de cette journée, il n'y aurait rien eu de remarquable en ceci. Si la division du pays en divers parties ne faisait pas supposer que le roi Louis-Philippe croit nécessaire de se tenir toujours sur la défensive. Je n'ai pas besoin de vous dire que dans cette occasion, on fait encore courir une foule de bruit à ce sujet. Il y a des gens qui assurent que des revues de grands corps de troupes deviendront un des divertissements, sinon les plus agréables, du moins les plus fréquents que l'on accordera au bon peuple de Paris. Du reste, si pour maintenir la tranquillité dans ce pays si agité, il est nécessaire de faire un grand étalage de force, on ne saurait blâmer le gouvernement d'y avoir recours. Si au contraire il peut s'en passer, il commet une imprudence, car l'effet qui en résulte ressemble à celui d'une pesante armure endossée dans la chaleur du jour qui étouffe en soulageant. Hier, 1er de mai, jour marqué dans le calendrier comme la fête de Saint-Jacques et Saint-Philippe, a donc été célébré comme le jour patronymique du roi actuel des Français. Le temps était magnifique, la gaieté régnait de toutes parts, mais surtout dans les environs des Tuileries et des Champs-Élysées. Un philosophe, accoutumé à examiner ces réunies populaires, m'ayant assuré que je pourrais mieux juger des dispositions du peuple aux Champs-Élysées que partout ailleurs, j'allais demander une voiture pour nous y conduire, mais mon ami m'arrêta en disant « Vous pouvez tout aussi bien rester chez vous. Si vous allez en voiture, vous ne verrez qu'une grande foule de peuple. Mais si vous traversez cette foule à pied, vous pourrez peut-être découvrir si elle pense à quelque chose ou à rien. » « Par quelque chose entendez-vous une révolution ?» demandai-je. « Dites-moi sincèrement si vous croyez qu'il y a lieu de craindre une émeute. » Au lieu de me répondre, il se retourna vers une personne de notre société qui revenait de la revue du roi. « N'avez-vous pas dit que vous veniez de la revue ?» demanda-t-il. « Oui, j'en arrive. Et que pensez-vous des troupes ? Ce sont de belles troupes, de fort beaux hommes, tant la garde nationale que la ligne. Et vous pensez, n'est-ce pas, qu'ils sont assez nombreux pour tenir Paris en respect en cas qu'il voulût s'émanciper. Certainement, je le pense. » Il fut en conséquence décidé que nous nous rendrions aux Champs-Élysées. Seulement, dans l'incertitude de ce qui pourrait arriver, je crus devoir laisser mes filles à la maison. Ceux qui n'ont pas vu célébrer une fête publique à Paris ne peuvent se faire une idée du spectacle que présente cette vaste promenade. Le seul souvenir me donne des vertiges. Figurez-vous, cent escarpolettes lançant en l'air leur joyeuse cargaison, cent vaisseaux ailés tournant éternellement, et dont les équipages se composent d'un couple d'amants endimanchés, cent chevaux de bois pivotant autour d'un mât et se poursuivant sans cesse sans s'atteindre jamais, cent charlatans débitant leur inconcevable jargon, et dont les uns sont habillés en généraux français et les autres en turcs. Ceux-ci offrent leur panacée en robe d'arménien, ceux-là font précéder d'une culbute l'éloge de leur poudre. Nous nous arrêtâmes plus d'une fois pour examiner la manière dont ils s'y prenaient pour fasciner leur proie. La pauvre victime, à force de caresses et de belles paroles, finissait par être persuadée que le spécifique qu'on lui vendait devait infailliblement la préserver à l'avenir de tous les maux qui assiègent la pauvre humanité. Nous avancions entre de longues rangées de boutiques où étaient étalées toutes sortes de marchandises brillantes, telles que bagues, épingles, broches, boucles de ceinture, offrant à l'œil la plus grande tentation, et dont le modique prix ne passait pas 5 sous. Ce n'est pas sans intérêt que je contemplais les avides coups d'œil et les minauderies des jeunes filles, ainsi que les tendres regards de leurs amoureux lorsqu'ils passaient devant ces magasins de colifichets. Hélas, ce n'était peut-être que l'avant-coureur des regrets. Dans le plus vaste des espaces ouverts que présentent ces Champs-Élysées, on avait érigé deux théâtres et l'intervalle qui les séparait pouvait, à ce qu'on assure, contenir 20 000 spectateurs. Pendant que sur l'un de ces théâtres on représentait une pantomime, l'autre faisait relâche et se reposait. Mais à l'instant même où la toile tombait au premier, celle du second se levait, et l'océan de têtes qui remplissait l'espace entre les deux se retournait. On eût dit les flots de la mer obéissant dans leur flux et leur reflux au mouvement que la lune leur imprime. Quatre grandes enceintes préparées pour des bals champêtres et munies chacune d'un très bon orchestre occupaient les quatre coins de cet espace. Et nonobstant la chaleur, le soleil et le bruit, la danse, à ce que l'on m'a assuré, n'a pas cessé un seul instant pendant cette longue journée. Quand une bande de ménétriers était fatiguée, une autre lui succédait. L'activité, la gaieté et la bonne humeur qui régnaient dans cette foule n'éprouvèrent pas un seul moment de trouble ou d'affaiblissement. Le peuple de Paris mérite réellement qu'on lui donne des fêtes. Il en jouit de si bon cœur et d'une façon si paisible. Tels furent les traits les plus frappants de ces réjouissances. Mais nous ne pouvions faire un pas à travers cette foule sans observer quelques traits plus ou moins remarquables de sa joie nationale et caractéristique. Je reconnus avec la plus grande satisfaction, dans tout le cours de ma promenade, que pour me servir de l'expression de mon ami, personne ne pensait à rien. Mais ce qui me fit incomparablement plus de plaisir que tout le reste, ce fut la tempérance et la sobriété qui régna dans le peuple. Les hommes, jeunes et vieux, les matrones âgées et les fringantes demoiselles, tous étanchaient leur soif avec de la limonade à la glace, qui leur était fournie en quantités incroyables par d'innombrables porteurs de réservoirs ambulants au prix d'un sou le verre. Il est bien heureux pour cette population au cœur léger et qui aime tant les fêtes de n'avoir point, comme la nôtre, des palais de genièvre. Mais la faim avait besoin d'être satisfaite aussi bien que la soif, et c'est en cela que le goût friand du peuple se déploie par un grand nombre de fourneaux placés par intervalles sous les arbres, à chacun desquels présidait une vieille femme tenant une poêle à frire et qui vantait à haute voix ses saucisses et son foie, largement assaisonnés d'oignons. Ce fut là la seule partie de la fête que je trouvais réellement désagréable. À l'exception de l'odeur qu'exhalaient ces cuisines en plein vent, tout le reste me plut infiniment. C'était la première fois que je voyais la vraie populace assemblée en goguette, et je n'aurais pas cru que ce spectacle pût m'amuser autant. Je ne pus même m'empêcher de m'arrêter un moment devant une de ces terribles cuisines, pour admirer la politesse avec laquelle une vieille femme, qui avait la première pris possession de l'ombre d'un arbre pour y placer son restaurant, défendait sa position contre la brouette d'un marchand de pain d'épices qui s'en approchait. « Pardon, monsieur, ne venez pas, je vous en prie, déranger mon établissement. » Ces deux grotesques figures, avec leurs costumes respectifs, rendaient délicieuse la dignité qui régnait dans ce discours. La réponse en fut un salut suivi de la respectueuse retraite de la brouette. Je ne pus m'empêcher de lui donner la préférence sur le langage plus énergique, qui aurait été tenu à la foire de Saint-Barthélemy. À tout prendre, cette promenade nous divertit beaucoup, mais je ne crois pas avoir été de ma vie aussi fatigué. Toutefois, je trouvai moyen de me reposer suffisamment pour aller le soir aux Tuileries, où l'on nous assura que 200 000 personnes étaient rassemblées. La foule était en effet très considérable, et nous ne tardâmes pas à découvrir qu'il serait impossible de demeurer réunis. Mais au bout d'environ 3 heures, nous eûmes la satisfaction de nous retrouver sains et saufs ensemble au point d'où nous étions partis. Le divertissement, qui, dans le commencement de la soirée, attira principalement l'attention de la foule, fut l'orchestre en face du château. Une musique militaire très nombreuse y était placée, et jouait divers morceaux pendant que l'on allumait les innombrables lampions qui devaient éclairer les jardins. Pendant ce temps, le roi, la reine et la famille royale parurent sur le balcon, et à cette occasion, la seule tâche qui m'ait frappé à cette agréable fête se fit voir d'une manière assez marquée pour produire un effet très désagréable. Le motif de toutes ces réjouissances parut être complètement oublié. La royale société ne fut accueillie par aucune acclamation. Qu'un peuple si gai et si démonstratif, assemblé en si grand nombre et dans une pareille occasion, ait pu rester la tête levée et les yeux fixés sur son souverain, sans qu'une seule voix ait fait entendre un mot d'aucun genre, c'est là, pour moi, une énigme inexplicable. La scène qui nous entourait était d'ailleurs d'une gaieté ravissante. Devant nous s'élevaient les pavillons illuminés des Tuileries, les brillants lampions, jetant leurs rayons à travers les lauriers roses et les myrtes du balcon, éclairaient avantageusement la famille royale qui y avait pris place. De tous côtés, on voyait des arbres, des statues, des fleurs rendues visibles par les innombrables lampions qui s'élevaient en pyramide au milieu d'eux. Pendant ce temps, les sons inspirateurs d'une musique guerrière retentissaient autour de nous. Les jets d'eau, saisissant au passage cette lumière artificielle, jaillissaient dans les airs comme des flèches enflammées et retombant en légères ondes et d'écume, répandaient une délicieuse fraîcheur sur l'assemblée. Enfin, derrière, ces mêmes jets d'eau, et aussi loin que la vue pouvait s'étendre, s'allongeait la forêt suburbaine, étincelant de lampions en festons jusqu'à la barrière de l'étoile. Ce spectacle était charmant, et il n'y aurait rien manqué si, au lieu du morne silence avec lequel il était contemplé, de vives et cordiales acclamations eussent accueilli la fête d'un roi depuis longtemps cher à ses sujets. Le feu d'artifice fut magnifique aussi. On le tira du pont Louis XVI. Il aurait été impossible de choisir un point plus favorable. On le voyait parfaitement de la terrasse des Tuileries, et de toute la longueur des quais des deux côtés de la rivière jusqu'à la cité, on pouvait distinguer les feux de mille couleurs qui y brillaient. Une des plus jolies inventions que l'on ait fait ici pour faire pousser des cris de joie quand on tire un feu d'artifice est de lancer successivement et avec rapidité des fusées rouges, blanches et bleues qu'un jeune républicain comparait à des messagers ailés portant au ciel leur drapeau chéri. Je ne peux m'empêcher de remarquer que si ces messagers répétaient fidèlement tout ce que le drapeau tricolore a fait, ils auraient d'étranges choses à dire. Le bouquet qui termina le feu fut original et fort beau, mais ce qui me frappa le plus, ce fut la chambre des députés, dont l'architecture fut marquée par des lignes de feu, tandis que les marches du magnifique perron par lequel on y monte, offrant chacune en quelque sorte une barrière enflammée, je crus y voir un type mystique des épreuves par lesquelles il faut passer, dans une élection populaire, avant de pénétrer dans ce temple de la sagesse. Avec quelle délice je m'abreuvais de monter, au retour de cette nuit si chaude et au sortir de cette atmosphère de lampions fumants. Quelle fut ma joie, quand à 1 heure du matin, je me mis dans mon lit en me disant que, grâce au ciel, la fête du roi s'était passée d'une façon paisible.